Très bel après-midi à l'écoute des programmes de la première. Voici tout de suite Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, la guerre et les affaires. Affrontement et rapprochement. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun diktat, aucune pression. Il faut bien penser que le premier acte de collaboration, c'est la signature d'un armistice. SOL, debout ! Notre pays meurtri par la défaite, accablé par les clauses de l'armistice, et maintenant aux prises avec ceux qui hier furent ses alliés ou se disaient ses amis. Aujourd'hui, une Europe sous Hitler, deuxième partie. Ainsi que le rappelle l'historien Patrice Arnaud dans son ouvrage « Les STO, histoire des Français requis en Allemagne nazie 1942-1945 », ouvrage paru aux éditions CNRS en 2010, au total, ce sont quelque 600 000 Français qui partirent travailler en Allemagne en plusieurs vagues successives. Les volontaires, tout d'abord, mobilisés notamment dans le cadre de la relève, le départ de trois ouvriers devait permettre la libération d'un prisonnier de guerre, les requis, recrutés sur une base professionnelle ensuite, dans le cadre de la loi du 4 septembre 1942 relative à l'utilisation et à l'orientation de la main-d'œuvre, qui, comme le rappelle Patrice Arnaud, constitua la pierre angulaire de la réquisition en étant responsable de 55 à 60% du nombre total de requis. Et enfin, ceux qui furent recrutés sur critères démographiques au titre de la loi la plus connue, assujettissant tous les jeunes Français nés entre 1920 et 1922 à un service du travail obligatoire en Allemagne. Charles Bloch, historien. En Europe occidentale, en Europe du Nord, étaient en général un peu mieux traités, notamment, on pensait aux peuples scandinaves, n'est-ce pas, la Norvège et la Hollande, à qui on permettait même avoir des plans d'économie pour l'avenir, pour l'après-guerre, tandis que tout le reste devait travailler uniquement pour le fait de guerre. 1er février 1942, Vidkun Quisling, ministre norvégien. Messieurs les représentants de la Wehrmacht, messieurs, ce qui se passe ici aujourd'hui prouve devant le monde entier que l'Allemagne, notre peuple frère, est animé de bonnes intentions envers le peuple norvégien. Cette preuve des intentions honnêtes de l'Allemagne n'était pour moi pas nécessaire. Car j'ai toujours su que ce fut toujours le désir du Führer de permettre à la Norvège de reconquérir sa liberté par notre mouvement. Andreas Hilgruber, historien. Dans toutes les régions occupées à l'ouest de la Norvège à la France, il y avait des forces différentes qui étaient prêtes à participer à l'Europe hitlérienne. Et Hitler a utilisé cette coopération pour renforcer sa propre position. À l'ouest, on peut donc parler d'une collaboration. Il faut ajouter que Hitler lui-même ne prenait pas au sérieux la collaboration. Il ne voulait pas véritablement établir une collaboration sérieuse avec certaines forces, même avec des groupes fascistes à l'ouest. Il voulait tout simplement les utiliser pour ses propres buts, pour dominer l'Europe. Charles Bloch. Certains historiens croient que la France aurait, en se subordonnant avoir sa place dans l'Europe d'Hitler comme étant de rang second au tyran. La vérité d'Hitler était déménager la France seulement temporairement jusqu'à la victoire finale et puis l'anéantir. Il y est revenu à quelques semaines de sa mort dans le bunker à Berlin, dans le Reichstag, en disant « Quant à la France, je n'y retire rien de ce que j'ai dit il y a 20 ans. » Et cette guerre est perdue pour l'Allemagne, mais il a eu au moins un résultat bénéfique. La France est détruite pour deux générations. Pierre Laval, 22 juin 1942. On aime son pays parce qu'on aime son village. Pour moi, Français, je voudrais que demain nous puissions aimer une Europe dans laquelle la France aura une place qui sera digne d'elle. L'Allemagne est en train de livrer des combats gigantesques. Elle doit avec d'autres consentir d'immenses sacrifices et elle ne ménage pas le sang de sa jeunesse. Pour l'acheter dans la bataille, elle va la chercher à l'usine et au champ. Je souhaite la victoire de l'Allemagne parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. Ainsi donc, comme je vous le disais le 20 avril dernier, nous voici placés devant cette alternative ou bien nous intégrer notre honneur et nos intérêts vitaux étant respectés dans une Europe nouvelle et pacifiée, ou bien nous résigner à voir disparaître notre civilisation. 1942, visite d'une exposition anti-bolchevique. Je me trouve dans la partie centrale de l'exposition. Je suis arrivé par le couloir où sont toutes les fresques qui sont destinées à illustrer les principes communistes, je dirais volontiers les slogans. En descendant, j'ai pu visiter les stands qui évoquent le paradis communiste, et quand on dit le paradis communiste, c'est évidemment par euphémisme, et je suis remonté à cette partie centrale que l'on appelle la partie du Comintern, c'est-à-dire qui comporte des sections, autant de sections, autant de pays. C'est un hall extrêmement clair, lumineux, avec au centre une map monde qui est en train de tourner et vous entendez peut-être le bruit de cette grande map monde en ce moment. Et en face de moi, un tableau lumineux qui représente une carte d'Europe avec l'indication progression et régression du bolchevisme en Europe. Devant moi se trouve un avion qui est plus exactement une partie d'avion. C'est un avion qui s'est écrasé au sol. Et je lis sur la pancarte qui est entourée des couleurs, de nos trois couleurs, les ailes brisées en 1940, sur la ligne de feu, nos soldats attendaient en vain les avions de France, les cellules communistes sabotaient le matériel après avoir réclamé la guerre, c'est un avion qui en effet avait été saboté et qui est tombé en plein vol. Je vous disais que cette partie centrale se divise en autant de sections que de pays qui sont les pays d'Europe. Il y a ici la France, puis en tournant l'Allemagne, la Roumanie, l'Espagne, la Hongrie et la Finlande. Si vous voulez bien, nous allons prendre la section française et je vois au centre un portrait du maréchal Pétain. Nous allons commencer en suivant l'ordre logique par le passé, c'est-à-dire par l'action communiste en France avant la guerre. Car cette exposition est toute organisée dans un sens visuel par définition, mais également logique. Voici donc l'antre du Guépéou. Nous nous approchons et par des ouvertures, par des judas, nous pouvons voir à l'intérieur, c'est une reconstitution de l'antre du Guépéou à l'ambassade des soviets rue de Grenelle à Paris. Je vois un tube à air comprimé. Je vois un coffre à l'intérieur duquel on faisait un four, à l'intérieur duquel on faisait griller les gens. Est-ce que ce tube à air comprimé vient effectivement de la rue de Grenelle? Ce tube a été pris tout récemment lorsqu'l'ambassade des soviets a été visitée par les services français et allemands. Nous avons récupéré tout un matériel qui servait au service de la GPU installé en France. C'est ça. Par conséquent, il y a là une reconstitution avec des éléments véritables jusqu'à cette grande photo de Lénine, cette autre de Staline et jusqu'à ce qui a moins d'importance, mais ce qui complète l'exactitude du décor, jusqu'à ces lampes et jusqu'à cette pendule en marbre noir. Quelle est l'identité de cette Europe annoncée comme nouvelle ? Marlies Steinert, historienne. C'est d'abord l'Allemagne elle-même, où évidemment le régime national-socialiste s'est affirmé totalement et où il reste très peu ou pratiquement pas de liberté pour la population. Il faut dire que cette guerre n'a jamais été populaire en Allemagne, comparée avec la Première Guerre mondiale. Les Allemands sont entrés en guerre d'une manière résignée et d'année en année, ils ont surtout attendu la fin de cette guerre. Étant donné qu'elle durait maintenant déjà beaucoup plus longtemps qu'on avait cru, en 1942, vous avez un désillusionnement croissant et une distance croissante entre le régime et la population. Et Hitler fut présenté, d'ailleurs dans un grand film, Der große König, le grand roi, comme un personnage distant et tragique, comparable à Frédéric II. Et ce qui montre déjà qu'on est loin de cette période où Hitler attirait les foules. Il parlait d'ailleurs de plus en plus rarement lui-même directement à la radio. Et dans la population, on sent une critique et une mauvaise humeur se manifester de plus en plus. C'était lié évidemment aussi au ravitaillement qui était, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, était pas très bon et les rationnements étaient assez sévères. Mercredi à 17h, dans la salle mosaïque de la nouvelle chancellerie du Reich, a eu lieu une cérémonie unique dans l'histoire allemande et dans l'histoire de la nation entière. Le Führer et le front combattant ont remercié les travailleurs de l'armement qui ont forgé leurs armes. Volkskischer Beobachter, organe de presse du parti nazi, 22 mai 1942. La radio allemande retransmet l'enregistrement de la cérémonie officielle dans la salle mosaïque de la nouvelle chancellerie à l'occasion de la remise des décorations de guerre aux ouvriers allemands de l'armement, aux mineurs, aux paysans, ainsi que les discours du Reichsmarschall et du ministre de l'Armement, Speer. Die Übertragungen sind ferner angeschlossen. Die Sender des Generalgouvernements sowie der Sender Weichsel und die Sendergruppe Ostland. Den freien Raum. Tout autour de la salle mosaïque prestigieuse de la chancellerie, on voit les drapeaux couronnés de gloire, ceux de l'armée, de la marine, de l'armée de l'air et de la SS, alternant avec les drapeaux dorés, emblèmes des corporations allemandes, des ouvriers de l'armement, symbole de la cérémonie officielle qui va commencer ici dans quelques minutes. Hommage à l'armement allemand. Hommage à l'ouvrier qui travaille à l'armement. Et ce qui crée ici sert aux soldats au front. Dans les premiers rangs, on voit des hommes et des femmes qui aujourd'hui représentent l'ensemble du monde ouvrier allemand. Personne ne se fait d'illusion sur l'accalmie momentanée qui règne sur le front de l'Est. L'orage ne saurait tarder. Les milieux allemands gardent un tel mutisme qu'il devient impossible de commenter les événements courants. Aucune nouvelle importante du front de l'Est. Journal de Genève, 6 juin 1942. À partir de quand la presse allemande va-t-elle donner des nouvelles du front de l'Est et avec quelle ligne éditoriale ? Marlies Steinert, historienne. On en parle dans la presse allemande au fond à partir d'août 1942 déjà. Et en effet, l'opération se prépare longuement, mais c'est toujours le même défaut de Hitler. Au lieu d'aller directement à un seul but, il se laisse tenter par des diversions. Alors, il envoie deux colonnes dans la Russie du Sud. Il ne concentre pas ses efforts sur Stalingrad, ce qui fait que l'Union soviétique a le temps, de son côté, de ramasser énormément de divisions contre ce point. Mais Hitler s'est engagé à un point tel de faire justement de Stalingrad le symbole de sa victoire qu'il ne veut pas lâcher. Malgré les différentes appel de von Manstein qui était au sud de Stalingrad et devait venir au fond pour soulager le feldmarschall Paulus qui était à Stalingrad et l'insistance de Paulus lui-même, il a demandé à ce que les troupes allemandes y restent. Il a été amené un peu à cette décision, d'un côté toujours par cette volonté jamais lâcher quelque chose qu'on a, de l'autre côté aussi par des promesses de Göring qui avait dit qu'il pouvait au fond approvisionner par l'air les troupes, ce qui était finalement pas vrai. En fait, c'est un échec cuisant à Stalingrad. Le sort de Stalingrad est réglé déjà le 25 décembre 1942. On le cache aux Allemands, on leur laisse encore fêter Noël tranquillement. Mais en janvier, début février, le sort de Stalingrad est terminé et des colonnes immenses vont en prison. Quartier général du Führer, 3 février 1943. Communiqué du haut commandement de la Wehrmacht. La bataille de Stalingrad est terminée. Fidèle jusqu'à son dernier souffle à son serment au drapeau, la 6e armée sous le commandement exemplaire du maréchal Paulus a succombé à la force supérieure de l'ennemi et aux circonstances défavorables. Le sort de la 6e armée est aussi celui d'une division de DCA de l'aviation, de 2 divisions roumaines et d'un régiment croate qui, fidèles à leurs compagnons d'armes de l'armée allemande, ont accompli leur devoir jusqu'au bout. Sous la croix gammée hissée sur les ruines les plus élevées de Stalingrad, et donc que l'on pouvait voir de très loin, s'est déroulé le dernier combat. Généraux, officiers, sous-officiers et hommes de troupes ont lutté coude à coude jusqu'à la dernière cartouche. Le sacrifice de l'armée n'aura pas été vain. Ils sont morts pour que vive l'Allemagne. Andreas Hilgruber, historien. En janvier 1943, président Roosevelt et premier ministre Churchill, à Casablanca, Roosevelt et Churchill ont posé l'exigence suivante, dass Deutschland und Italien und Japan bedingungslos kapitulieren müssten. L'Allemagne, l'Italie, le Japon devaient se rendre sans condition. Diese Forderung ist von der deutschen Propaganda unter Goebbels ausgenutzt worden. Ces exigences ont été exploitées par la propagande allemande de Goebbels, um Angst und Schrecken zu verbreiten, pour diffuser la peur d'une défaite allemande, und alle Kräfte anzuspannen, et pour réunir toutes les forces, um sich gegen diese Wende des Kriegsgeschicks zur Wehr zu setzen, afin de s'opposer à ce tournant historique. Marlies Steinert, historienne. Pour l'intérieur de l'Allemagne, au fond, le courant pessimiste, résigné, critique qu'on avait déjà pu constater en 1942 s'est renforcé. Vous avez, au début de 1943, ce grand appel donc, de Goebbels au Sportpalast avec « Wollt ihr den totalen Krieg ?»« Voulez-vous la guerre totale ?» Une manifestation bien préparée, bien orchestrée, avec une claque, etc. Et alors, à partir de là, les mesures draconiennes sont prises pour incorporer maintenant dans le processus du travail aussi des éléments qui, jusqu'à maintenant, étaient restés en dehors, notamment... Par exemple, les petits artisans ou boutiquiers et aussi les femmes. Jusqu'à ce moment-là, les femmes, conformément à la vision idéologique du régime, devaient se cantonner à la maison, produire des enfants, mais ne pas véritablement entrer dans le processus du travail. À partir de là, maintenant, il y a un service obligatoire pour les femmes. Et qui maintenant, de l'âge de, je crois, 17 ou 18 ans jusqu'à l'âge de 45 ans, devait travailler dans les usines et ailleurs. Mais les femmes encore, même à ce moment-là, on trouve un moyen parfois de ne pas tellement y participer. Vous avez d'ailleurs dans ces courants hostiles au régime beaucoup de mécontentement féminin qui joue. Vous avez aussi la jeunesse qui fait pas mal de soucis au régime. Les jeunes sont peu attirés et méprise un peu ce qu'on appelle les fonctionnaires bruns. Et puis, on doit peut-être encore dire aussi qu'il y a une opposition en Allemagne. On n'en parle pas toujours beaucoup, mais cette opposition, qui est venue d'ailleurs de milieux conservateurs, bourgeois surtout d'un côté, des militaires, il y a aussi une opposition souterraine de la part de communistes ou de sociaux-démocrates. Juillet 1943, message destiné aux soldats allemands sur le front de l'Est, émission Radio Moscou. Soldats allemands, nous donnons maintenant l'enregistrement original du manifeste qui a été lu lors de la conférence du Comité national Freies Deutschland par le président Erich Weinert. Le Comité national estime avoir le droit et l'obligation en cette heure fatidique de parler au nom du peuple allemand. Hitler conduit l'Allemagne à sa perte. Les défaites des sept derniers mois sont sans précédent dans l'histoire de l'Allemagne. L'Allemagne elle-même est devenue aujourd'hui théâtre de la guerre. Le temps presse. Il faut agir très vite. Celui qui par crainte ou pusillanimité continue d'obéir aveuglément à Hitler est lâche et il contribue à conduire l'Allemagne à une catastrophe nationale. Pour le peuple et la patrie, contre Hitler et sa guerre, pour une paix immédiate, pour la sauvegarde du peuple allemand, pour une Allemagne libre et indépendante. Septembre 1943, au lendemain de la chute de Mussolini, allocution radiodiffusée d'Adolf Hitler. Que maintenant le gouvernement italien ait pris la décision de rompre l'alliance, de se retirer de la guerre et ainsi de faire de l'Italie elle-même un théâtre d'opération, il peut toujours l'expliquer par des tas de bonnes raisons. Il peut bien présenter cela comme une nécessité. Il ne trouvera jamais une excuse pour la réalité des faits qui se sont déroulés sans que l'allié ait été à tout le moins prévenu. Et il n'y a pas que cela. Je me souviens, j'étais encore très jeune, j'ai entendu les discours radiodiffusés d'Hitler immédiatement après la chute de Mussolini. Charles Bloch, historien. Il se voulait rassurant. Il disait jamais une telle chose pourrait arriver en Allemagne, mais militaires sont entre mes loyaux. Mais il ne croyait pas, parce qu'il y a un fait peut-être mineur, mais quand même significatif. Quatre jours après la chute de Mussolini, Himmler, le tout-puissant chef de la Gestapo, est officiellement nommé ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire, n'est-ce pas, la terreur, l'appareil de la terreur atteint son dernier degré. Andreas Hilgrover, historien. Hitler ne voulait absolument pas répéter ce qui s'était passé en novembre 1918. Das heißt, wollte durch eine relativ gute Ernährung der deutschen Bevölkerung, der Arbeiterschaft, deren Kriegseinsatz bis zum letzten sicherstellen. Il voulait s'assurer absolument de ce que le peuple allemand, les travailleurs, soient prêts à la guerre. Marli Steinert, historienne. Vous avez un silence presque total de la part du régime pour expliquer ce coup-là, parce que d'abord, on ne sait pas très bien soi-même non plus ce qui s'est passé. Brièvement, c'est que une partie même des dignitaires du régime fasciste sont tournés contre Mussolini, qui lui était entré en guerre à côté de Hitler contre son opinion publique, contre son propre parti, contre une partie des milieux économiques. Donc c'était une guerre jamais populaire. D'autre part, il y avait les militaires contre lui, il y avait la cour contre lui. Donc il y a tout un complot, aussi bien soutenu par la base, mais par les élites les plus importantes de l'Italie. En Allemagne, à ce moment-là, l'opinion publique s'interroge et vous avez énormément de bruit qui court. Ben voilà, la même chose va se passer en Allemagne. On va aussi éliminer Hitler et puis on va avoir une sorte de régime militaire et puis ce sera enfin la fin de la guerre. Mais alors l'opposition est très muselée, différentes tentatives ont échoué et l'opposition n'a jamais pu avoir le soutien de l'extérieur. C'est un des drames de cette autre Allemagne, si vous voulez, que ni de l'intérieur ils ont eu la possibilité vraiment de se développer parce qu'en fait, ils allaient contre leur propre peuple au milieu d'une guerre presque existentielle. Charles Bloch, historien. L'Allemagne est passée en 1942 à l'état de l'économie de guerre totale, symbolisée par la nomination de Speer comme ministre des armements, qui est en fait le dictateur économique de l'Allemagne, et charge détenue auparavant par Göring dans le cadre du plan quadriennal, plan lequel est jamais officiellement aboli, mais mis en veilleuse. Alors, Speer procède à la mobilisation générale de toutes les ressources. Il y a une chose qui est extrêmement importante à ce sujet pour les territoires occupés, c'est le recrutement de la main-d'œuvre partout. Et d'utiliser les prisonniers de guerre, mais de déporter des travailleurs pour des travaux forcés en Allemagne. On connaît l'exemple de la STO en France. Mais aux 600 000 travailleurs recrutés au titre de la STO s'ajoutent aussi au moins 1 million de prisonniers de guerre. Et il faut y ajouter tous les travailleurs déportés d'autres pays. On arrive à un chiffre de peut-être entre 10 et 12 millions de travailleurs travaillant dans les usines allemandes, aussi dans l'agriculture allemande, travaillant ensemble avec les femmes pour libérer les hommes pour les services militaires, pour augmenter, dans la mesure du possible, la mobilisation totale. À la suite de cette évocation, il sera question de la collaboration, l'idéologique, l'économique et l'opportuniste. Thank you.